بسم الله الرحمن الرحيم طيب أسألك عن الكلمات ما معنى صلب أصل ما معنى ما معنى أضرحة قبر c'est quoi le مفرد ضريحة ضريحة نعم صد يصد obstruer نعم ترسيخ أخرين شوز الوسيط بث يبث نعم répond diffuser استنهاض نعم اضطهد او اضطهد اذا اضطهد يضطهد معنى ظلمة اضطر Comment on dit prendre l'engagement ? Je m'étais trompé, mais je t'avais dit que c'était s'accoutumer. Ta'ahada. Naam. Comment on dit demeurer ? Bassa yabissou. Bassa yabissou. Bassa yabissou, on l'a déjà pris. Labissa. Labissa yalbassou. Ça y est, fuma kulna, tadalib kam. Tani. أيوة. تفضل أسمعك. الجملة الأولى. علينا أن نبتعد عن كل عمل. عن كل. يعني نغار. ce genre d'erreur normalement tu dois les connaître. عن كل عمل فيه شبهة. شبهة. نعم. شبهة. فيه شبهة. يجب اتباع اللين. اللين. نعم والرفق في معامل في معاملتي معاملتي الصغار صغاري الصغاري سويت على المسلم ان يعمل ان يعمل متكاتفا متكاتفا متكاتفا نعم مع اخوانه لمنع العدوان يعني pour repousser l'ennemi ou quoi il doit être un soutien pour ses frères نعم أعاد الطالب قراءة الدرس فتح قف قراءة الدرس قراءة الدرس مرة لترسيخ العلم في ذهني نعم ناس اضطر الرجل أن يؤجل سفره لمرضه مرضه que l'homme a été contraint de repousser son voyage pour fond à cause de sa maladie أحسنت الآن سندخل في درس الثامن نص جديد حادث غرق حادث c'est un événement, un incident et غرق là c'est la noyade طيب الكلمات الجديدة قال آن وبعده وقت آن معنى وقت تقريبا حين لحظة un temps معنى متقارب مرادف سينونيم آنون ضحية معنى الصباح هنا وقت الضحى بحار جم بحر c'est le pluriel des mers en fait بغيا Et on traduirait bimana likei, yani afin de. Mariha yamrahu, mana fariha takriban. être heureux. Qimma. À la base, c'est le sommet d'une chose. Qimmatul Jabal. On avait pris, je crois. On a pris Qimam. Le Jam. Ratasa Yartisu, ça c'est submergé, plongé. Taratan. Mamana Taratan. Tantôt. Tafa Yatfu. Ou l'axe min Yartisu. Ça en fait, c'est là, c'est émergé. Apparaître. Comme le fait de ressortir de l'eau. Al-Mudawwi, c'est une chose retentissante. Huri'a yuhara'u mana tasarra'a. Se précipiter. Sauba mana nahu, yani en direction, vers. Sauba mana nahu. Anfasun. Anfas, là ça vient du nafas qui est le souffle. Là c'est le jam. Lafaza yalfizu. Là à la base, lafaza. Talafaza c'est le fait de prononcer, mais là, quand il dit l'afaza yalfizu, c'est le fait de lâcher quelque chose. Ça va venir, c'est l'afaza anfas, c'est lâcher le souffle. Yalfizu anfasahu, c'est relâcher son souffle. Tatarraqa yatatarraqu, c'est le fait de traiter. Bara'a yabra'u, c'est le fait de s'adonner. Sara'a yusari'u, le fait de lutter. Lutter. Non. On l'a pris il n'y a pas longtemps. Tasara'a dans le texte de Omar. Là où il a dit tasara'un, c'est chamaïe. Taïb. Donc là, ce nom, il va parler d'une noyade. قال السباحة رياضة مفيدة يمارسها كثير من الناس ولا سيما الشباب. Donc السباحة, c'est la natation, c'est un sport profitable qui est pratiqué par beaucoup de gens et tout particulièrement les jeunes. La siyama, c'est surtout, on va dire. Quand tu vois la siyama akada ou la siyama akada, c'est traduit par surtout. فمعظم الذين يسكنون قرب مصادر المياه. La plupart des gens qui habitent au bord des eaux, proche des lieux où il y a de l'eau, أنهارا كانت أو بحارا, que ce soit des fleuves ou que ce soit des mers, أو محيطات ou des océans, يمارسون هذه الهواية منذ صغرهم بل يبرعون فيها. Ils pratiquent, yumarisuna, ils pratiquent, hadi al-hiwaya, ça serait une passion ou un hobby, on dirait comme ça. Munzu sigharihim, depuis leur enfance. Bel yabra'una fiha, voire même ils s'y adonnent. Plus que pratiquer, ils s'y adonnent. Ghayra anna ta'allum as-sibaha wa ijadataha la yahulu duna wuku' kawarithiha. Hormis que le fait d'apprendre la natation et de bien l'apprendre pour la maîtriser, cela n'échappe pas à certains incidents. La yahulu duna wukur kawarith. Ça n'empêche pas que certains incidents arrivent. Fala yakad yamur yomun dun an ya'raq wahidun min an-nas. Qu'il ne se passe pas un jour sans qu'une personne n'ait failli se noyer. Ou plutôt, tu ne verras presque jamais un jour passer sans qu'une personne ne se noie. Il y a plutôt comme ça, non. Kada, c'est faïa. Fimekan ma min al-alam, à un endroit, quelque part dans le monde. Quand tu mets le ma hadi yassifa quelque part, donc tu dis ja ana fi makanin ma, je suis quelque part. Je suis ana fi masjidin ma, je suis dans l'un des masajid. Ana inda rajulin ma, yani chez quelqu'un. Ce ma là c'est ma yu'rab sifa. وهذه قصة عرق من القصص التي تحدث كل يوم. Et voici l'histoire d'une noyade parmi les histoires qui se produisent tous les jours, chaque jour, on va dire. Hadithatun araq. Une noyade. Waqa'at li ahadi fityan hina kharaja ma asdiqa'ihi fi 'utlat al-usbu' lil-sibaha. Lil-sibaha. Elle s'est produite à l'un des jeunes lorsqu'il est sorti avec ses amis aux vacances des usbu', c'est-à-dire le week-end en fait, je veux dire par là. Ou les jours de vacances dans la semaine, il sortait avec ses amis pour nager. Kharaja dal fata bughiyat qada yawmin mumti'in. Que ce jeune était sorti en vue de passer une journée plaisante. Wa ma kana yadri ma tukhbi lahu al-aqdar. Il ne savait pas ce que le destin lui réservait. Là, à la base khabba yukhbiu, c'est caché, mais là c'est dans le sens lui réserve. عندما وصل الفتى مع اصدقائه الى النهر, lorsque ce jeune est arrivé avec ses amis au fleuve, بداوا يسبحون, ils se sont mis, ils ont commencé à nager. ويمرحون, mais ils se réjouissaient. ويمارسون بعض الالعاب المائيه, ils se mettent à pratiquer certains jeux nautiques. وهم في قمه سعادتهم وفرحهم, ils sont au sommet de leur joie, de leur, on va dire, bonheur. Yaqtisuna taratan wa yatfuna taratan. Ils plongent, tantôt ils plongent, tantôt ils ressortent. Wa yantaliquna kull yubdi maharatihi. Et ils se mettent chacun à montrer ce qu'il sait faire. Ses habiletés dans l'eau. Wa kana ahadun minhum yash'uru wa ma kana ahadun minhum yash'uru bima hawlahu. Et qu'aucun d'entre eux ne se rendait compte de ce qui se passait autour d'eux. وَمَا قَطَعَ بَهْجَتُهُمْ إِلَّا سَوْتٌ مُدَوِّنْ مُسْتَعِيثًا. Et qu'il n'y a rien qui a coupé leur joie, si ce n'est le fait qu'ils ont entendu une voix ressentissant appelant à l'aide. Voilà. سَوْتٌ مُدَوِّنْ, c'est une sorte qui est une voix qui retentit. Une voix retentissante. أَحْدَثَ هَذَا السَّوْتٌ Aouda Saoub. Non, Saoub. Et ça, Saoub. Ahdatha Hada Saoub. Hayraten Benal Asdika. Que cette voix a provoqué du trouble entre les amis. Hayra, ouna, ma'na, yani, ta'adjoub ou taraddoud. Fama Daru Masdirahu. Voilà, jihatahu. Il ne savait pas d'où elle provenait et de quelle direction. Walakin takarrar as-sawti marratan thaniya. Ja'alahum dun an yash'uru yuhra'una sawbahu. Cependant, le fait que cette voix soit répétée une deuxième fois, ce son qu'ils ont entendu, les a mis, sans même qu'ils s'en rendent compte, à se diriger en toute vitesse en sa direction. En direction de cette voie. Bisulatin fa'iqatin. À une vitesse, une grande vitesse plutôt, on va dire. Hatta wasalu ilayhi. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit de cette voie. Wa kanu sari'u al-maut yarfidhu anfasahu al-akhira. Donc l'un des jeunes, ce jeune là dont on parle dans le texte, est en train de se battre contre la mort et en train de lâcher son dernier souffle. Wa kada an yaghraqa. Il a fallu se noyer, alors ils l'ont attrapé. Et ils l'ont traîné sur le bord. Ils l'ont posé sur le sol. Et qui sont mis à lui donner des premiers secours. Des premiers soins. Hatta afaqa. Et ça, s'il retrouve son esprit, afaqa yufiqo, s'il retrouve l'esprit. Hamaluhu il mustashfa l'ilaj. Et l'on transporte à l'hôpital pour les soins. Là, ce tadrib-là, ce texte-là, on ne fera pas l'exercice car le prochain, il est long. Le prochain, il est long, donc pour un souci de gain de temps, Inch'Allah. Comme ça, la prochaine fois, on rentrera directement dans le texte. Juste pour voir le vocabulaire de celui-ci et on donne en direct, Inch'Allah. Fait l'el, ça nous cause irraba, tout ma chère, dans les irrabes. Taïb, on dort ma'i. Famu'azam, alladhina yaskununa kurba masadir maya. ما إعراب قربة ظرف مكان نعم أحسنت أنهارا كانت أو بحارا ما إعراب أنهارا كانت أو بحارا tu l'as pas pris mais tu peux le déduire. Le déduire normalement, Inch'Allah, elle est facile. C'est une corrida qu'on n'a pas encore pris, mais elle est facile à déduire. Mayarab anharam kanat ou biharam ou mih ou muhitatin. Matara. Ok, si tu as un texte, c'est. Tu vois si c'est. Moi, je donne une bêtise. Si c'est faux, je corrige, c'est bon. خبر ماذا؟ أحسنت مقدم خبر كان مقدم تكتبه صح بحارون سي معطوف أو محيطات سي معطوف أو ماشي تبقى المعنى اللي واضح المعنى اللي واضح أيوة تمام أنفولاهم طيب نعيد الجملة من البداية يمارسون هذه الهواية pratique cette passion منذ صغرهم depuis leur enfance بل يبلعون فيها voire même ici adonne غير أن تعلم السباحة وإجادتها لا يحول دون وقوع كوارثها sauf que l'apprentissage de la natation et sa maîtrise n'épargne pas la tombée dans certains incidents. Je veux lire l'arbre de Ghayra. Ma irab Ghayra. Naam. Istikna. Istikna. Harf Ghayra la ism. Ghayra la ism. Ghayra la une fatha. Pourquoi? كلام تمام تمام ليس تمام تمام تمام كلام نعم أحسنت لا سنة بدي إلا على بس دو غير الاسم ستومي أبقى إلا اللي هو يتم منصوب وجوبا كان الكلام كنت أدي لتام تمام إلي مثبت أفيرمي أحسنت هذا هو لا يحول دون وقوع كوارثها ما يعرب دون si tu sais دون dans la même ligne اسم الله الا لا اي لا كلا لا يحول c'est un verbe يحول حال يحول c'est le حرف نافية la normale il ne se passe pas, masalan. C'est un zarf. Doun, yu'arab, zarf. ثم تحت وهذه قصة غرق من القصاص التي تحدث كل يوم. C'est une histoire des noyades qui, parmi ceux qui se produisent tous les jours. Ma yaghlab kulla. Kulla yawmin. Là. Comment Tawkid? Tawkid de quoi? C'est pas tout cool qui a Tawkid. Et le Tawkid en plus il vient après le Mu'akkad. Et il vient avec un Zamir, Muttasil, Mutabiq lil Mu'akkad. Là ce n'est pas le cas. C'est quoi l'irab de Kulla Yawmin? ظرف أحسنت يعرب ظرفا هنا ça a le sens de يوم en fait. حادثة غرق وقعت لأحد الفتيان حين خرج مع أصدقائه. ما يعرب حين ومع حين ظرف زمن. نعم ظرف زمن ومع توكيد. لا لا لا جو بيرس ها حرف عطف. تي sorti d'un trou pour tomber dans un fossé. مع مع ظرف. ايوه ظرف مكان مكان. نعم خرج هذا الفتى بغية قضاء يوم ممتع. ما يغلب بغية. خرج هذا الفتى بغية قضاء يوم ممتع. Il est sorti pour passer une bonne journée. ما يغلب بغية. حل. كيف حل؟ مفعول لأجلي. أحسنت. ابتغاء قضاء يوم ممتع. أحسنت. ثم قال وما كان يدري ما تخبئ له الأقدار. سي باسكو لو ديستوني ريزيرفي. ما إعلاب الأقدار والأقدار تو هنا. ما إعلاب الأقدار. هنا مرفوع. اسم كان؟ لا. ما كان يدري. سي با اسم كان. لا. ما كان يدري. Il est facile, c'est juste qu'il est pas à la place que tu es habitué de voir. تقول الله اعلم. Sont tu faut que tu le dises الله اعلم على كل de toute façon. الله اعلم على كل حال. C'est فاعل de يخبئ. Je pensais qu'il y avait autre chose. Là où l'akdar, c'est le fa'il de tukhabbi. Sauf qu'il y a eu là où qui vient entre les deux. Okay. Je savais que tu allais te faire piéger. Ouais. C'est pour ça que je te dévie. Yartisuna taratan ou yatfuna taratan ukhra. Mihrab taratan. Barf makan. Zaman. Naam. Wa ukhra. ما يعلب أخرى؟ تارة أخرى. ما يعلب أخرى؟ نعم الله أعلم. أحسنت. أخرى صفة لتارة. تفاي ما تقول بادي. سنعت صفة لتارة. طيب تحته مقطع بهجتهم إلا صوت مدون مستعيثان. ما يا رب مستعيثان؟ حل أحسنت. هو جون اي نوت لا جون دو لو فوار جي با فا اتونسيون. ما يا رب صوت وما قطع بهجتهم إلا صوت مدون ما يعرب صوت لا أنا بك إلا أنك قال فاس كده هو ديكري لا ما قطع بهجتهم نفي إيه نفي ناقص ايوه مستثنى منه لي با سيتي اون ابل سا مفرغ دونك لا فراز لا بزون دو كوا لا تارتاجي ليش فاعل صوت سي فاعل دو قطع على باز ومدون ما يعلب مدون Il n'est pas majrour. Là. Ce n'est pas des harakat de jar. C'est quoi ça? C'est un ism. C'est un ism mortel. Mankos. À la base, c'est un ya. Et lorsqu'il y a un akira, ce ya s'écrit tanouin. Taïeb. Yakin, c'est quoi son irab? À la base, c'est le moudaoui. ما يعربه صوت مدون سانعت إن عرمت سانعت مرفوع إن عرمت رفيه وبلتو صدم مقدرة مانع من ظهورها الثقل على الياه مخذوفة À la base, c'est Moudaoui. Mais comme il est Nakira, on a mis un Tanouin à la place. Même il aurait été présent, la Dhamma Kuddirat. Elle est Dhamma Mukaddara. Les Nat de Saut. Saut, il est Marfour, c'est un Fa'il. Khalas, on a qu'il faut aller, Inch'Allah Ta'ala. Raja dit Kalimet, ou Das al-Qadim, on a qu'il faut Nassan Jadidan. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.